temps, combien de temps pour que tu puisses détruire tous les souvenirs, pour que tu puisses encore rire, te me voir pleurer, mourir. Allez, dis-moi, chérie, encore combien de fois je vais affronter la vie tout seul, en tout cas sans toi, pour que tu puisses t'envoler vers ces cieux abandonnés, pour chanter et oublier que je t'aimais, que je t'aimais. Allez, dis-moi, mon amour, combien de longs détours vont encore voir le jour sans que je puisse t'avoir en retour, pour que je puisse m'enterrer vers ces terres oubliées, pour vieillir et abandonner la saveur de toutes ces années.